Il est midi 55 minutes. Nous sommes lundi 7 septembre 2020. Vous écoutez la radio Isanganiro, votre station préférée, mettant depuis Bujumbura, la capitale économique de Burundi. Bienvenue à ce journal et la grande édition de cette mi-journée. D'abord, les grands titres. Rentrée scolaire, édition 2020-2021 sur tout le territoire national du Burundi. Pas d'incident majeur à mairie de Bujumbura, là où nos reporters ont pu passer, vous l'entendrez dans ce journal. Il se compte autour de 300, ce sont les Burundais qui s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo, qui se sont vus bloqués dans la localité de Kavimvira quand ils tentaient de regagner leur pays natal le matin de son lundi. Et les mauvaises conditions de vie figurent parmi les causes qui les ont poussés à toquer sur la porte de leur mère patrie. Un reportage à suivre tout à l'heure. Trois personnes tuées, une autre blessée et deux vaches tuées et une troisième agonisante. Ce lundi, c'est le bilan d'une attaque perpétrée par un groupe armé ce dimanche vers 21h sur la colline Maranvia, commune Burambi de la province Rumonge. Tous les lundis, vous avez droit à la chronique sportive. Vers la fin de ce journal, vous aurez les explications du président de la Fédération burundaise de taekwondo sur les ceintures et leurs couleurs décernées aux pratiquants de cette discipline sportive. François Kimana sur la mise en onde. Vous retrouvez Aimé Richard Nyonghulu à la présentation. Bonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, je vous disais tantôt, plus ou moins 300 demandeurs d'asile burundais qui s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo ont pris le chemin du retour dans la matinée de ce lundi. Ils ont été bloqués dans la localité de Kavimvira. Les mauvaises conditions de vie ainsi que l'appel que le président de la République a lancé à tous les Burundais, à tous les réfugiés burundais de regagner le pays sont les principaux motifs qui les ont poussés à réclamer le rapatriement immédiat au Banyankuru. Ces Burundais disent qu'ils ont voulu regagner leur pays depuis le 3 septembre courant. Mais, racontent-ils, leur aspiration se heurtait toujours à des blocages. À part l'inscription, ils disent qu'ils ne bénéficiaient d'aucune assistance. On avait fui vers la RDC tout en espérant qu'on allait être accueillis comme les autres réfugiés, mais en vain. Nous avons été enregistrés. Mais nous n'avons jamais été transférés dans les camps de réfugiés comme les autres. On a alors demandé d'être rapatriés par le HCR sans succès. À cause de mauvaises conditions de vie, ces Burundais affirment que deux parmi leurs compatriotes sont déjà morts. Il faut savoir que certains dormaient à même le sol, à la belle étoile. Ces Burundais qui avaient pris le chemin retour dans la matinée de ce lundi indiquent qu'ils ont été empêchés de continuer leur chemin. On est arrivé ici à la frontière burundo-congolaise. Ils nous ont interdit de poursuivre le chemin. Ils disent que c'est les autorités burundaises qui doivent venir pour nous libérer. Ils demandent aux autorités burundaises de se concerter avec celles de la République démocratique du Congo, leur pays d'accueil, pour qu'ils soient rapatriés. Oban Nyonghuru, au sein du ministère en charge du rapatriement, ont fait savoir qu'ils suivaient de près l'évolution de la situation de ces Burundais. Et je le disais en titre, la rentrée scolaire édition 2020-2021 a été marquée par des écoliers en surnombre dans les écoles du nord de la capitale économique Bujumbura. Un des défis qui hante ce secteur, c'est l'éducation, comme l'a constaté notre confrère Ezekiel Ndikungenayo. De l'autre côté de la vitrine, nous avons fait signe que l'élément n'est pas encore disponible. Aussitôt arrivé, nous allons le balancer. Luanda regrette que la main tendue sur la renormalisation de ses relations avec le Burundi n'a pas été reçue. Dans une conférence publique tenue ce dimanche sur la télévision rwandaise, Paul Kagame montre la nécessité d'entretien de bonnes relations diplomatiques entre les pays voisins. Selon lui, la paix que cherchent le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi en ont besoin. Sur ce, la rédaction Isanganiro a voulu savoir ce qu'en dit la présidence de la République du Burundi, mais celle-ci nous a renvoyé au ministère burundais en charge des relations extérieures que nous n'avons pas encore joint. Et 4 personnes ont publiquement demandé pardon ce dimanche lors du festival de la justice de paix célébré à la paroisse Niabitaré pour les crimes commis lors de la crise de 1993. L'évêque du diocèse de Luigi, Blaise Nzeimana, fait savoir que la justice et la paix sont impossibles en cas d'absence de la réconciliation. Ce pasteur invite les bourreaux et les victimes à le faire en toute sincérité. Et le retard du processus d'enregistrement des joueurs via le nouveau système de transfert des joueurs. Pardon, on reviendra sur cet élément, mais vous saurez que les demandeurs des crédits se plaignent du taux élevé appliqué au taux au crédit qui va de 16% et plus. Ces demandeurs ajoutent que le temps d'attente entre la demande et l'octroi des crédits est long et que cela impacte la mise en œuvre des projets pour lesquels ils ont demandé crédit. À 13h02, le journal continue sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sécurité à présent, 3 personnes tuées, une autre blessée, 2 vaches tuées et une troisième agonisante. Ce lundi matin, tel est le bilan d'une attaque perpétrée par un groupe armé de fusils et de machettes vers 21h de ce dimanche sur la colline Maranvia, commune Burambi de la province de Lumonge. Des sources auprès des familles des victimes indiquent que des hommes armés de fusils et de machettes seraient venus de la commune Bugarama voisine et seraient auteurs de cette attaque. L'administrateur communal de Burambi, contacté à ce sujet, répond que des enquêtes sont en cours et qu'il pourra s'exprimer après. Page sportive de cette édition. Comme je le disais, Isanganiro. Et 9 ceintures des différentes couleurs sont discernées aux pratiquants de ce sport, du sport de taekwondo. C'est l'explication du président de la Fédération burundaise de taekwondo, Cyprien Bigirimana, qui fait savoir que la première ceinture qu'on donne est celle de la couleur blanche, tout en précisant que la dernière ceinture dans la discipline de taekwondo et celle de la couleur noire. C'est une information que nous devons à notre confrère Vianney Ngendakumana. Elle nous est lue par Marie-Claire Kazenez. Radio Isanganiro, chronique sport. Le système de passation des grades dans la discipline de taekwondo se fait dans 9 étapes, en commençant par la ceinture de couleur blanche. Cela est dit par Cyprien Bigirimana, président de la Fédération burundaise de taekwondo. La ceinture en taekwondo, on entend les niveaux. En taekwondo, il y a la ceinture blanche, la ceinture verte, la ceinture bleue. Il y a la ceinture jaune, il y a la ceinture verte, la ceinture bleue, il y a la ceinture rouge. Il y a la ceinture noire qui est la dernière et puis commence les dames. En effet, Cyprien Bigirimana explique que les pratiquants de taekwondo doivent passer dans un processus d'évaluation avant de décrocher la ceinture. On entend le niveau de ceinture lorsque quelqu'un a fait passer l'examen suivant le niveau qu'il veut avoir. Parce qu'en taekwondo, on ne passe pas le même niveau. Il y a ceux qui passent de la ceinture blanche à la ceinture jaune, de la ceinture jaune à la ceinture verte, de la ceinture verte à la ceinture bleue, de la ceinture bleue à la ceinture rouge, et puis de la ceinture rouge à la ceinture noire. Devenir l'entraîneur et avoir l'accès de participer dans plusieurs compétitions sont certains avantages de posséder la ceinture dans la discipline de taekwondo, selon Cyprien Bigirimana. Il y a une grande importance parce que ça dépend du niveau de la ceinture que l'on a. Et si on a la ceinture noire, c'est-à-dire qu'on est capable d'ouvrir le club. En taekwondo, chez nous, lorsqu'on n'a pas encore atteint la ceinture noire, on ne peut pas ouvrir un club. Il y a des niveaux qui permettent de faire des compétitions, soit nationales ou internationales. Ça dépend. Dans la prochaine chronique sportive, ce président de la Fédération de Taekwondo Burundi, Cyprien Bigirimana, expliquera comment les cérémonies de passation de ceinture se déroulent, ainsi que les rôles des pratiquants de Taekwondo dans la société. Marie-Claire Kazeneza, le rendez-vous est pris. Une fois n'est pas coutume, alors on revient sur les éléments qui avaient manqué. 11 buts, toujours dans la page sportive. 11 buts ont été marqués lors des matchs qui ont été livrés ce week-end dans la première journée du championnat national de la première division Primus League édition 2020-2021. C'est la formation sportive Messager Ngozi qui s'est inclinée 3-0 face au Flambeau du Centre. Pascal Ramadan, l'attaquant de l'équipe Olympic Star, a marqué le but d'ouverture du championnat de cette saison lors du match que le club Olympic Star s'est incliné, alors que le club Olympic Star s'est incliné 2-1 face à Aigle Noir. Afizi Akizimana de l'Interstar a été le premier joueur sanctionné par un carton rouge cette saison dans un match que son équipe a été tenue en échec. 0 face à Musonga TFC. Les matchs des équipes Kayanza United et Bumamuru ont été proclamés forfaits du fait que les joueurs de ces équipes n'avaient pas des joueurs les licences biométriques. Et le retard du processus d'enregistrement des joueurs via le nouveau système de transfert des joueurs est l'une des causes de la défaite par forfait des clubs Kayanza United et Bumamuru. Explication de Jérémy Manirakiza, secrétaire général de la Fédération de football de Burundi, qui précise que le délai limite d'enregistrement est fixé au 28e jour du mois en cours. Et le prêt de 10 millions destiné au projet de développement communautaire est octroyé aux sociétés coopératives collinaires du secteur agro-pastoral. Cela est dit par le directeur général de l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives au Burundi, Anacoop en sigle. Oscar Barangariza trouve qu'il persiste des lacunes dans la loi régissant les sociétés coopératives collinaires, de même que celles régissant cette agence. Il demande sa modification. Suivez-le au micro de Jean Dodieu, il a causé. Le financement des sociétés coopératives collinaires a répondu à la politique du gouvernement. Et vous savez bien, plus de 90% de la population burundaise vit de l'agriculture et de l'élevage. Les sociétés coopératives collinaires travaillent dans ce domaine agro-pastoral. Nous sommes en train de penser un mécanisme efficace. Et je pense que nous le ferons en collaboration avec l'administration locale et l'administration communale. Parce que dans l'ordonnance conjointe du ministre des Finances et le ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions, et prévoit comment cet emprunt sera remboursé. Cette ordonnance dispose que le remboursement se fera via le versement sur le compte ouvert à la BRD. Vous voyez que, par exemple, les sites coopératifs se trouvent à Changzo, à Makamba, c'est très loin. Nous savons pourquoi nous sommes en train de penser comment ils pourront rembourser efficacement. Parce que chaque site coopérative a un compte dans une banque ou dans une institution de microfinance. À raison de son caractère administratif, financier, social, commercial, industriel, artisanal et de développement communautaire, l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives est placée sous la tutelle de la deuxième vice-présidence de la République. Vous voyez que quand même cette loi nécessite une modification. Vous voyez que sans modifier cette loi, il est difficile de donner tutelle à l'ANACOOP. Vous voyez que ce décret doit lui être modifié. Et cette loi même doit être modifiée. C'est pourquoi l'ANACOOP est tenté de proposer aux autorités habilitées que cette loi soit modifiée pour que l'ANACOOP puisse travailler conformément à la loi et à la Constitution. Oscar Barangariza, il est le directeur général de la ANACOOP. On revient sur l'élément concernant la coopération. Le Rwanda regrette la main tendue sur la renormalisation de ses relations avec le Burundi, qui n'a pas été réussie dans une conférence publique tenue ce dimanche sur la télévision rwandaise. Paul Kagame montre la nécessité d'entretenir de bonnes relations diplomatiques entre les pays voisins. Selon lui, la paix que cherche le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi en ont besoin. Suivez. Umubano wacu n'u Burundi na Uganda biracyari magatotsi ni ibintu bigishaka. Nos relations avec le Burundi et l'Ouganda comportent encore des lacunes. Il est nécessaire de s'y pencher pour rétablir un bon voisinage. Par ailleurs, pour le Burundi, vous l'avez suivi, nous avons essayé dans ces derniers jours de nous focaliser sur ce qui devrait être fait dans l'état actuel, mais le Burundi semble n'avoir pas répondu à notre volonté. Dans cette volonté, quand une partie veut une bonne cohabitation, cela est également pour l'intérêt de deux parties. Ce n'est pas pour une seule partie. La paix que nous voulons en relation avec nos voisins, spécialement le Burundi et l'Ouganda, c'est la paix dont ils profitent également. Nous voulons être des partenaires dans le respect de nos besoins, ce que nous voulons renforcer. Mais des gens peuvent avoir des mésententes dans les relations de voisinage. Nous voulons d'abord une entente. En ce qui concerne le voisinage, en cas de volonté, nous sommes prêts à être un bon voisin. Paul Kagame est le président de la République du Rwanda, qui a été traduit en français par notre confrère Alain Désiré Boukeyeneza. Et les demandeurs de crédit se plaignent du taux élevé appliqué au crédit qui va de 16% et plus. Ils ajoutaient que le temps d'attente entre la demande et l'octroi des crédits est long et que cela impacte la mise en œuvre des projets pour lesquels ils demandent ce crédit. Armel Motori. Certains demandeurs de crédit qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro déplorent le taux d'intérêt élevé appliqué sur les crédits par les banques et les institutions de microfinance. Nous rencontrons des difficultés lorsque nous venons demander des crédits ayant des projets à exécuter et que le délai d'octroi du crédit s'allonge et parfois il commence à se faire rembourser sur nos salaires alors que le crédit ne nous est pas encore été remis. Et cela nous coûte du temps et de l'argent pour les réclamations. Et les taux d'intérêt sont élevés, allant de 16% et plus. 16%, c'est le taux minimal. Il demande aux responsables du secteur bancaire de voir à la baisse ces taux pour leur permettre de mettre en œuvre leur projet de développement. Nous demandons que les taux d'intérêt soient revus à la baisse et qu'ils nous facilitent pour que le service soit rapide lorsque nous demandons des crédits d'urgence comme le crédit scolaire. Ces demandeurs de crédit demandent également que les délais d'attente pour l'octroi des crédits soient minimisés. Armel Moutolé, l'éducation, la rentrée scolaire édition 2020-2021 a été marquée par des écoliers en surnombre dans les écoles du nord de la capitale économique Bujumbura. Un des défis qui hante ce secteur de l'éducation, comme l'a constaté notre confrère Ezekiel Ndikumwenayo au reportage. À l'école fondamentale Gihosha, située dans la direction communale de l'éducation Nahangwa, à 10h passées de quelques minutes, certains élèves étaient dans les salles de classe, tandis que d'autres attendaient d'être notifiés les salles respectives. Jean-Claude Mawenimana, directeur de cette école, affirme que d'une manière générale, les cours ont bien débuté car le personnel enseignant est suffisant ainsi que le matériel didactique. À l'école Fata, située dans la même direction communale de l'éducation et qui accueille des élèves vivant avec handicap, certains élèves ont répondu présents, mais le préfet des études explique que l'incapacité de loger en internat tous les élèves est l'un des défis qu'enregistre cette école. Beaucoup de parents veulent que leurs enfants étudient vivant ici même à l'école, à l'internat. Mais nous avons vu que c'est impossible de loger tout le monde. Nous avons un grand nombre aujourd'hui comparativement aux années passées. Mais ce que nous prévoyons, d'abord, nous planifions implanter cette école en commune Mutimbuzi à Malambia. Là, nous pensons que nous allons accueillir un grand nombre d'élèves. L'année passée, nous avions 124 élèves, mais cette année, nous voyons que nous pouvons atteindre 140 et 55. À l'école fondamentale Milango 1, un nombre exorbitant d'enfants figure parmi les défis que connaît cet établissement scolaire. Les défis qui s'observent d'une façon générale, c'est l'effectif des élèves qui monte d'année en année, parce qu'actuellement nous sommes à peu près de 4800 écoliers qui entrent dans cette école. Vous voyez que c'est un grand nombre. Le matériel didactique est un peu suffisant, sauf les livres de français 5e et 6e, c'est là où il y a un peu de problème, mais nous essayons de faire de notre mieux pour avancer avec le programme. Pour la deuxième année fondamentale, nous attendons encore la formation des enseignants parce que l'année passée, vous avez entendu qu'il y a une réforme du système éducatif. On commence par la première année fondamentale, mais actuellement, nous attendons toujours la formation pour les enseignants des deuxièmes années. Et nous avons essayé de mettre devant chaque école, chaque classe, un bagage avec de l'eau propre, avec du savon. Donc les élèves essaient de se laver chaque jour avant d'entrer en classe après la récréation. Si toutes ces écoles qui ont été visitées par la radio Isanganiro, des mesures de prévention contre la COVID-19 ont été mises en place, comme le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Ezekiel Ndikungenayo, cap sur Bubanza à l'ouest du Burundi pour clore cette édition. Les cultivateurs du coton en province de Bubanza se lamentent et disent qu'ils ont vendu le coton à la compagnie de gérance du coton Cogerco depuis le mois d'août. Ils ne sont pas encore payés jusqu'aujourd'hui. Ils disent qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour envoyer les enfants à l'école et demandent à la Cogerco de résoudre ce problème. Gustave Majambéli, directeur général de cette société, tranquillise et précise que ces cultivateurs vont percevoir leur argent au cours de cette semaine. Spes Caritas et Cabanyan. Samuel Bukayeneza est un cultivateur de coton de la colline Rumotomoto en commune Gihanga. Il se lamente et dit qu'il n'a pas pu envoyer ses enfants à l'école par manque de moyens. Il n'a pas pu acheter des cahiers, des uniformes et autres matériels des élèves car il espérait être payé après avoir vendu le coton, ce qui n'a pas été le cas. Samuel Bukayeneza est l'un parmi beaucoup d'autres cultivateurs qui disent ne pas comprendre pourquoi la Cogerco, compagnie de gérance de coton, qui a acheté le coton au début du mois d'août cette année, n'a pas encore payé. Ces cultivateurs indiquent qu'ils sont restés avec des reçus montrant le nombre de kilos vendus et le montant équivalent. Ils demandent qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Leurs enfants n'ont pas eu de matériel nécessaire pour aller à l'école, comme ils le disent. À la compagnie de gérance de coton, Cogerco, on reconnaît les préoccupations de ces cultivateurs et on est en train de tout faire pour résoudre ce problème. Gustave Majambéré, directeur général de la Cogerco, nous a précisé au téléphone que ces cultivateurs vont recevoir leur argent au cours de cette semaine. Spes Caritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Et nous voici à destination de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et vous voudrez bien nous excuser de certaines imperfections observées au cours de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à la réalisation. Merci à François Kimana qui l'a mise en onde. Au micro, vous étiez avec Mary Richard Nyonguru. Je vous souhaite de passer une très bonne journée chez vous. Au revoir.